question. Est-ce que l'esprit évolue en même temps que l'ego? C'est intéressant parce qu'on fait référence à deux formes d'évolution absolument différentes. Il y en a un qui s'exprime plus, puis il y en a un qui gonfle comme une ballonne. L'évolution de l'ego, c'est l'accumulation de mémoire, l'accumulation d'expérience. Ce n'est pas évolutif, c'est agglomératif. L'évolution de l'ego est en réalité une agglomération de mémoire, d'expérience. L'évolution de l'esprit est en réalité une involution. En ce sens que pour que l'esprit s'exprime par l'homme, elle doit involuer, arriver à la hauteur de l'homme, de la femme ou de l'enfant. Lorsque l'esprit veut s'exprimer par un chien, il descend à la hauteur du chien, et lorsqu'il est rendu à la hauteur du chien, il ne peut faire que « wouf, wouf ». C'est pourquoi le chien qui exprime l'esprit ne peut faire autrement. Lorsque l'esprit arrive à la hauteur d'un être humain qui a une certaine forme de capacité biologique ou génétique ou cérébrale ou endocrinienne à exprimer l'intelligence, s'exprime par lui. Plus le corps physique accumule de l'énergie, plus le système neuronique a la capacité de logiférer, d'intelligencer les choses. Plus l'individu est capable de supporter du neuf, d'abandonner du vieux, plus l'intelligence peut s'exprimer par ce corps physique et par cet individu, parce qu'elle est plus puissante. Au fur et à mesure de l'évolution, disons alors, de l'esprit dans l'homme, il doit y avoir une anégoïsation, une dissolution de l'ego, donc une destruction de l'ego dans l'âme. L'âme est l'ennemi de l'esprit. L'esprit, c'est de l'intelligence, c'est d'ailleurs ce qui touche l'enfant Teflon. Et nécessairement, l'intelligence n'a pas besoin d'aller à l'école. L'enfant Teflon est capable de supporter une éducation de soutien, apprendre les mathématiques, apprendre l'informatique, apprendre la médecine. Mais l'enfant Teflon ne peut endurer, il est allergique à l'éducation d'intégration. Ça le rend malade, ça le rend délinquant, ça le rend violent. Et des fois, la maladie, elle est mortelle. C'est une allergie, un choc anaphylactique à un moment donné. Alors, lorsque l'esprit descend chez l'homme, son ego doit s'en aller. Est-ce que l'esprit évolue en même temps que l'ego? Disons, oui, mais chez deux êtres humains différents. Alors, si lui, l'ego évolue, l'esprit diminue, puis si lui, l'esprit évolue, l'ego diminue. Mais dans le même être humain, non, l'esprit n'évolue pas en même temps que l'ego. Vous savez, c'est un peu comme les personnes qui jouent aux échecs. J'ai connu deux individus, moi, qui jouaient aux échecs. Après trois parties, chacun des deux avait gagné chacun deux parties et en avait annulé une. C'est qu'ils ne jouaient pas l'un contre l'autre, ils jouaient contre d'autres personnes. Avec le promeneur, baladeur, walkman ou walkwoman, la drogue, la télévision, les cassettes, l'individualisme dans le travail et les loisirs, ne se dirige-t-on pas vers la fuite des autres, de la réalité et de la conscience? Le walkman est effectivement l'expression d'un besoin chez le jeune de se retrouver seul. Très mal canalisé, c'est une folie astrale d'avoir inventé ce genre de conneries. Parce que ça fait en sorte que le jeune rentre dans son monde un peu comme s'il devenait autistique et il n'entend plus l'extérieur et il se fout de tout. Sauf que c'est parce que le jeune est individualiste qu'il sera intelligent. Et pendant les périodes de transition, c'est toujours un peu saltatoire, un peu hésitant, un peu hoquetant. Pas vers la fuite des autres. Vous savez, on ne fuit jamais autrui que si ça pue. Vous n'êtes pas suffisamment stupide pour vous éloigner de quelqu'un qui vous amène quelque chose. Pour quelqu'un qui vous aide, pour quelqu'un qui a une utilité pour vous. Vous ne le fuyez pas. Par contre, vous allez fuir les gens qui vous nuisent. Le problème, c'est que quand c'est nous, finalement, qui sommes rejetés, alors on est trop orgueilleux pour prétendre qu'on nuit, qu'on pue énergétiquement. Alors on va dire, ben, il fuit la réalité. C'est nous. Non. Moi, lorsque je rencontre quelqu'un avec qui je vis, je ne le fuis pas. Il est fortement probable que je ne rencontre pas souvent de gens avec qui je vibre et que je sois un individualiste, capable de m'adapter. Autrement dit, capable de devenir hypocrite. Parce qu'on m'a éduqué à être poli. Maintenant, je ne suis plus poli, je suis hypocrite. C'est la même chose, sauf que je le sais. Alors, avec donc l'individualisme dans le travail, On ne peut pas être intelligent en troupeau, on ne le peut pas. Évidemment, la société, elle est collective. D'ailleurs, pourquoi l'enfant Teflon en est allergique? Lui, il veut être intelligent, mais on lui dit, t'as pas besoin d'être intelligent, on est tous là pour tout faire. Ça ne fonctionne pas. Lui va vous dire, mettez donc des robots, puis payez-moi. Il n'y a pas un employeur qui va dire, ben voyons donc, on va acheter des robots pour te payer. Tu ne travailles même pas pour te payer. C'est cela, la société intelligente, que l'enfant Teflon veut. L'enfant Teflon, il veut pouvoir aller chez Dairy Queen, prendre un corneille, s'en aller sans payer, sans que personne crie. L'enfant Teflon, il veut aller avec son automobile, je veux prendre de l'essence, et il prend de l'essence, il remplit son réservoir et il s'en va visiter la province de Québec. Il veut pouvoir aller acheter, prendre un billet d'avion et faire le tour du monde sans payer. Il veut stationner son automobile dans sa ville qui paye des taxes sans avoir à mettre des 21 cents dans Haïti. L'enfant Teflon, ce qu'il veut, c'est simple. Il veut venir à des conférences sans avoir à payer. Il veut simplement la gratuité totale. Et c'est simple. Et c'est intelligent. C'est logique. Et là, on va dire, oui, mais la société n'est pas comme ça. C'est exact. Et on va la défoncer, à un moment donné, il va se passer quelque chose. J'ai déjà expliqué que si on faisait référence à GM ici, pas loin, que si les employés, en accord avec les patrons, décideraient de prendre grande partie de leur paye, tous les deux, le patron prend une partie de ses profits, l'employé prend une partie de sa paye, tous les employés le font, dans le but de robotiser totalement l'industrie. Quand c'est juste des robots qui travaillent, les autos sont parfaites, parce que les robots ne sont jamais écœurés. Les robots n'anticipent pas leur pause café, puis commencent à souder un peu plus croche, ou à peinturer un peu moins bien. Les robots font tout à la perfection. En plus, on n'est plus obligé de prendre des êtres humains qui ont vraiment d'autres choses à faire que de bâtir des automobiles. Ils devraient tous asseoir dedans pour se promener avec. L'humain a d'autres choses à faire que de commencer à passer son temps à travailler, à avoir avec des chiffres, des risques d'accidents de travail, ne pas être là, ne pas être chez lui, ne pas être dans lui. Et après que les employés ont mis suffisamment d'argent et la compagnie aussi, on robotise au complet. Ah, ça ne coûte presque plus rien. Chaque employé entretient un robot, ça ne coûte rien. Puis la compagnie, elle continue à payer les gars, puis les filles. Les filles, puis les gars, qu'est-ce qu'ils font? Ils restent chez eux. Ça change quoi? On a la même production, la même maudite affaire, c'est mieux. Puis on paye encore les personnes. Là, on va dire, oui, mais là, ils ne travaillent plus. Ils vivent. Ils sont payés pour vivre. Voilà. Et l'enfant Teflon, il voit bien ça, lui. Une société où on travaille dans ce qu'on veut travailler, il y aura toujours une personne, à un moment donné, qui va être malade des robots. Lui, sa vie, c'est de rester à côté des robots puis de les entretenir. On le paye aussi. Mais il y en a un autre, sa vie, c'est de faire de la cuisine pour ses enfants. Même salaire, son robot travaille. Un autre, sa vie, c'est de voyager. Il apprend, il va écrire des livres peut-être, il va parler à des gens, il va planétariser la planète. Ben, son robot travaille, on le paye. Puis à un moment donné, ça devient tellement intelligent que, ben non, pourquoi devons-nous payer un billet d'avion? Pour que les employés puissent acheter leur auto. Mais si on leur donne l'auto, on va voyager gratuitement. On va aller chercher notre nourriture gratuitement. Ouais, mais là, les fermiers, les robots sont fermiers. Mais l'humain n'est pas prêt parce que l'humain est traditionnaliste. L'humain ne veut pas perdre sa puissance au détriment d'un égalitarisme du point de vue social. Pas un égalitarisme du point de vue de la conscience, mais du point de vue social. On doit travailler et mériter ce que l'on possède sur cette planète. C'est l'initiation lunaire, une initiation qui est méritoire, qui fait en sorte que quand on gagne le gros lot, soit dans notre travail, soit à la loterie, on est bien vu. On t'a travaillé toute ta vie, maintenant rendu sur le seuil de la pauvreté de santé, tu as l'argent. Tu as réussi. Tu vas mourir content. Oui, tu ne vas pas payer content ton enterrement. Tu vas mourir content. Sauf que c'est pas ça, réussir sa vie. La personne, elle meurt, elle ne sait même pas si sa vie a été utile. Se suicider ne peut pas être logique si on n'y est pas poussé par la nécessité. Exemple, sauter du 20e étage pour éviter d'être brûlé dans sa chambre en flammes. On ne peut pas se suicider logiquement par choix parce qu'on ignore les données qui permettraient ce choix. C'est vrai pour cette personne. L'enfant nouveau a une autre vision. C'est comme de dire, on ne va pas au cinéma si on ne connaît pas les données. Tu peux y aller par curiosité, c'est des bonnes données. Alors, quand la vie en arrière est comme un incendie qui te pousse, tu peux rester dedans, comme tout le monde. Puis on te donne des promesses là, de bord, voyons donc. N'importe quel joueur qui sait qu'un kit ou double, il peut s'en sortir, il l'essaye. Avez-vous une solution à proposer au sujet de l'école? J'en ai un bon paquet. Présentement, il y a un livre que j'ai écrit, Le syndrome de l'enfant Teflon. Il se trouve que la maison d'édition E égale MC2, la maison d'édition va envoyer de l'information à tous les directeurs de toutes les écoles secondaires et primaires de langue française de la province de Québec, écoles qui contiennent 200 élèves ou plus pour l'instant, à tous les protecteurs de la jeunesse, à toutes les CLSC, à toutes les bibliothèques. Et je suis disponible pour faire des conférences, comme j'en ai fait de temps en temps à Montréal, au niveau des décrocheurs ou au niveau des parents. Je suis déjà en train d'écrire « Savoir éduquer l'enfant Teflon ». Et là, encore une fois, c'est pour... on va refaire le même manège. Et puis, on va voir si c'est le temps, autrement dit, de commencer à crier un petit peu plus fort. J'ai un paquet de solutions, mais ça ne sert à rien de vouloir les appliquer immédiatement s'il n'y a pas déjà au moins un terrain de semences qui a été préparé. Et les deux volumes en question, bien évidemment, plus ils vont se diffuser, plus ça va préparer le terrain. La majorité des adultes sont capables de voir. De toute façon, la majorité des adultes qui travaillent près des enfants savent qu'il y a des enfants de plus en plus cassables. C'est le terme que la psychiatrie emploie. On n'arrive pas à les casser. Et on a le problème du suicide. Si la diffusion des livres, des bouquins se fait bien, bien nécessairement, à un moment donné, vous entendrez parler de solutions. Il y en a un bon paquet. Il y en a un bon paquet. Pourquoi 1972 est l'année des enfants Teflon? Leur arrivée dans le monde, mon fils est né en 1974. Il est comme vous dites et je ne peux le contredire. Je me sens en conformité avec lui, en confrontation. Je crois qu'il va avoir au moins deux marginaux dans la famille, donc elle s'entend avec. Est-ce possible de suivre, de survivre au monde et comment? Pourquoi je dis 1972? Parce qu'à un moment donné, il faut mettre une date, ça paraît mieux, simplement, pour ça que je dis 1972. J'aurais pu dire 1974 ou 1970. Chose certaine, c'est que ça naît un petit peu, de plus en plus, de plus en plus en plus. Puis finalement, bien, il y en a vraiment de plus en plus. Alors on peut dire qu'à partir de telle date, c'était assez sensible pour que la majorité des gens le constatent. Mais il n'est pas arrivé une date pile, là, que les Verseaux ascendants, scorpions, le schnack, ça c'est des enfants Teflon. Ça ne marche pas comme ça. Comment pouvons-nous faire pour vivre, survivre? Soyons premièrement contents d'être anormaux, d'être naturels, d'être nous autres. Puis, il faut qu'on finisse. De toute façon, il y a énormément de conférences que j'ai faites sur le sujet, parce que ça ne regarde pas rien que le phénomène de l'enfant Teflon, ça regarde la conscientisation en général. On doit cesser de vouloir être normal, de vouloir être accrédité par autrui, on doit cesser de vouloir être compris par autrui, parce qu'il faut nous comprendre s'ils ne sont pas comme nous autres. Mais s'ils ne sont pas comme nous autres, s'ils deviennent comme nous autres à un moment donné, ils ne veulent plus nous comprendre, ça ne les intéresse pas. Il faut qu'on se prenne en main. Et la question du cadre, ne faut-il pas l'imposer? Si on laisse les enfants à eux-mêmes, n'apprendront-ils rien d'autre qu'à jouer, que jouer à la balle? On ne laisse pas les enfants à eux-mêmes, ça jamais. Ça peut être tentant parce que ces enfants-là peuvent nous faire peur. C'est comme les écoles qui les expulsent de l'école. Ils règlent le problème de l'école, leur problème, puis l'enfant, pfft. On ne laisse pas ces enfants-là eux-mêmes. On doit les paramétrer. On doit leur donner des raisons intelligentes. Y a-t-il des raisons intelligentes pour que nous acceptions, nous autres, de vivre dans notre monde? Est-ce qu'il y en a? Si vous n'en trouvez pas, pondez-en, parce que les autres en auront besoin. Quelle est la raison intelligente de travailler? Est-ce qu'il y en a? On peut faire mieux, mais actuellement, dans notre cadre, est-ce qu'il y a des raisons intelligentes de travailler? Il y en a. Alors, si on lui explique, il va comprendre. Pas des raisons émotives. Est-ce qu'il y a des raisons intelligentes de s'ajuster à autrui, de faire comme si on avait été poli à coups de claque? Il y en a. Travaille avec les raisons intelligentes. Mais tous ceux qui seront intelligents vont dire, je comprends, mais on va changer les choses. Eh bien oui, c'est comme ça qu'on évolue. Alors, le cadre. Il doit y avoir un cadre. Un cadre qu'on explique. Je donne un exemple. Un de mes enfants, continuellement, lorsqu'il passait à côté de moi, il me bousculait. Parce que le corridor est mince, alors quand on passe deux comme ça, moi je me tasse, mais lui ne se tasse pas. Il n'a pas besoin de se tasser, moi je me tasse. Si je me tasse pas assez, bang. Mais lui, ça ne le dérange pas qu'on se frappe. Fait que moi, si ça me dérange, c'est de mes affaires. Sauf que j'ai le choix. Évoluer énormément en m'anégoïsant, en me contrôlant, ou encore le faire évoluer en tapant dedans, ou mieux, me tasser juste comme lui. Bang! Je suis plus fort que lui. Après 4-5 fois, il apprend à se tasser, je me tasse moi aussi, on se frappe plus. Je n'ai rien dit. Pas fou. Il a fini par comprendre. L'enfant est toujours en train de piquer des affaires aux autres. Vous lui expliquez que ce n'est pas correct? Pourquoi ce n'est pas correct? Il y a un qui n'a pas élogé quand je tiens dessus. C'est vrai. L'autre est plus faible, le tien est plus fort, psychologiquement. À un moment donné, si vous voulez qu'elle apprenne à s'ajuster, pas à être tapette, à s'ajuster. Fait quand il y a de quoi vous passer, vous y arrachez vous aussi. Vous ne parlez même pas, vous en allez. Ah, il va crier en tabarouette. C'est sûr, c'est un enfant teflon, il va crier en maudit, comme l'autre devrait faire. Vous, vous êtes plus puissant psychologiquement, être encore jeune. Fermez la porte de votre chambre au nez, vous voulez savoir. C'est pas long qu'il va finir par vous demander, « Ouais, mais pourquoi tu me les arraches? » Parce que ça me tente. C'est pas long qu'il va finir par comprendre que on peut s'ajuster quelque part. À l'instant, à un moment donné, vous allez l'arracher. Il va crier, il va dire, « Crime, ça te dérange? » »« Ah ben tiens, excuse-moi, je veux pas te déranger. J'ai besoin, mais pas à ce point-là. Tiens, reprends-les. » Ah, il va décoder. Il sait pas un cave. Il va finir par apprendre aussi à dire à quelqu'un, « Bah, t'es orgueux, maudit bébé. » Il manipule pareil. Puis il commence à remettre. Puis à un moment donné, faites confiance à la vie. Vous allez voir qu'il ne deviendra pas un délinquant. Que deviendra l'enfant teflon adulte s'il ne se suicide pas? Une grande gueule, peut-être. Comment agir avec lui? Que sera la société de demain? La société de demain va être drôlement différente de ce qu'on a aujourd'hui. Maintenant, ça serait un peu long à répondre, à expliquer les futurs possibles de notre société. Je ne suis pas prophète. Que deviendra l'enfant teflon? Un délinquant, un bandit, un mercenaire, un premier ministre, un directeur d'entreprise ou un assisté social. Il va devenir quelque chose de bien. La morale que vous décrivez comme ayant pour base le « tout le monde le fait » n'aurait-elle pas pour base l'esthétique? N'y a-t-il pas de gestes laids, indépendamment de notre mémoire? Il n'y a pas, c'est vrai. Ça dépend encore de quelle façon la personne structurait sa pensée lorsqu'elle a écrit la question. L'intelligence adore l'esthétique. Maintenant, notre esthétique est en fonction de notre intelligence. Alors, c'est évident que si l'enfant devient intelligent et si on le laisse être intelligent, faites-vous-en pas. Même s'il a le droit de faire n'importe quoi, il ne fera pas n'importe quoi. C'est comme si vous, je vous disais, vous avez le droit de tuer le premier enfant que vous allez voir. Alors, si vous êtes totalement émancipé, totalement libre, on vous récompensera pas, on vous punira pas, vous pouvez tuer le premier enfant, vous voyez, puis on ne dira rien. Ben, vous ne le tuerez pas. Votre intelligence ne vous permettrait pas de le tuer. Vous allez vous dire. Vous ne verrez pas de raison, ça ne vibrera pas avec vous. Vous êtes libre. Êtes-vous pour autant des meurtriers parce que maintenant vous êtes libre? Non, parce qu'il y a de l'intelligence chez vous. Je dis bien, en éliminant les facteurs de récession psychologique qui vous ont été inculqués sous le nom éducation, en outant ça. Libre, libre, libre, libre. Non, vous ne tueriez pas. Parce que c'est ridicule, parce que ça ne sert à rien, parce que c'est stupide. Alors, il est temps qu'on s'occupe de nos enfants de la même façon, qu'on cesse de leur inculquer de la morale à coups de marteau, juste au cas où il n'y aurait pas l'intelligence de comprendre tout seul. Il ne le ferait pas. On n'a pas besoin de s'en faire. Quand on dit « laissez-les libres », il faut s'entendre. Il doit apprendre ce que c'est que l'écologie. Il doit apprendre à s'ajuster dans un monde. S'ajuster, pas se déformer. J'ai l'impression que vous charriez un petit peu avec votre alternative enfant teflon, enfant aplati, donc l'enfant ancien. Que pensez-vous de Gordon et les parents efficaces, le système non perdant de resoluble de résoudre des problèmes? Toute solution neuve, intéressante. Présentement, la majorité des solutions neuves sont des adaptations des vieilles solutions. Quand une solution plaît aux parents, elle est dangereuse. Ce n'est pas aux parents qu'il faut qu'elle plaise, c'est à l'enfant. J'ai écouté des parents pendant 15 ans qui me décrivaient leurs enfants comme des turbulents de pire espèce, tête, chien, polyindividuel, etc. C'était pour eux une espèce de honte. Lors de pause, des pauses de tes conférences, j'entends des parents parler de leur enfant de la même façon et avec les mêmes qualificatifs, mais cette fois avec fierté. D'où le paradoxe. Est-il possible que ces enfants non aplatis soient modelés comme des aplatis et qu'ils puissent vivre une double pseudo-identité? Oui, ça se peut. Si on On peut récupérer un enfant en le manipulant par l'orgueil. C'est pourquoi je dis souvent aux éducateurs que je rencontre qu'on ne se sert jamais des mots enfant teflon, enfant ancien, enfant nouveau dans le but de parler à un enfant. Parce qu'il va apprendre à devenir orgueilleux, d'être quelque chose de particulier, d'être une bébite dans un zoo qu'on peut présenter avec fierté. Quand on a un enfant teflon, on a un problème sur les bras. Quand on a un enfant ancien, on n'a pas trop de problèmes sur les bras. Les problèmes traditionnels, qu'on sort un bouquin, qu'on lit dedans, puis qu'on fait ça, puis ça marche. Quand on a un enfant teflon, il n'y a à peu près pas de livres pour s'adapter à l'enfant, pour dire à l'enfant quoi faire. Les livres que j'ai écrits, c'est pour dire à l'adulte ce qu'il doit faire, lui, par rapport à lui, lorsqu'il se fait taper dedans par un enfant teflon. Si l'enfant a tort, il devra avoir tort. Et l'adulte devra trouver des raisons intelligentes, par exemple. Mais si l'enfant a raison, même si vous avez gagé jusqu'à votre chemise, donnez-lui tout. Premièrement, il va tout vous remettre parce qu'il n'en a pas besoin. Il va être bien content de s'être fait un ami. Parce qu'il va se rendre compte que vous êtes respectable. Est-il possible que des enfants non aplatis soient modelés comme des aplatis et qu'ils puissent vivre une double pseudo-identité? Oui. La majorité des adolescents aujourd'hui sont en caractère nouveau et totalement aplatis dans la formule ancienne. C'est-à-dire que les jeunes souffrent tellement d'être naturels qu'ils se droguent plus, qu'ils écoutent plus de musique, qu'ils se débilitent plus. Pour cesser de réfléchir, pour cesser de voir clair, pour être normal. Et la majorité de ceux qui s'aplatissent pourraient être solides. S'aplatissent en gang. Il y a toujours eu des groupements, des gangs, une nuance. Dans les enfants anciens, quand ils sont en gang, ils parlent, ils gueulent. Tout seul, ils ne parlent plus, ils ne gueulent plus. Un enfant teflon en gang, il parle, il gueule. Ramassez-le tout seul, il continue à gueuler. C'est bien différent. Si j'achète du linge usagé dans des foires, est-ce que je ramasse les bons et les mauvais reliquats de ceux qui l'ont porté? Ça, c'est évident. 4 enfants par jour qui se suicident au Québec, c'est énorme. Comment se fait-il qu'on n'en entende jamais parler par les médias? En passant, 4 enfants par jour, c'était les statistiques de là un peu plus d'un an. Le taux de croissance du suicide est tellement haut que la première cause de mortalité infantile chez les jeunes au Québec sera prochainement le suicide, alors qu'à l'époque, c'était la deuxième cause de mortalité infantile. Pourquoi on n'en parle pas trop? À l'automne dernier, au Point, on a interviewé des psychologues dans les journaux, un paquet d'autres émissions télévision de 4 saisons, Télémétropole ou Radio-Canada, ainsi que Radio-Québec, sur des réseaux anglais aussi, on en a parlé. Cela a duré une semaine et demie à 2 semaines, et l'effroi total, on ne sait pas, on ne comprend pas, on pense que peut-être que c'est à cause que, a fait en sorte qu'on n'en a plus reparlé. L'été étant arrivé, les enfants se suicident un peu moins, parce que là, on les laisse jouer dehors. Le printemps revenant, c'était extrêmement plaisant, l'été joyeux, joyeux, joyeux, et maintenant on revient à l'automne. Alors c'est possible qu'on en reparle encore cette année. Maintenant, c'est un problème hyper social qu'on laisse dans les mains des spécialistes. Ça ne vaut pas la peine d'ameuter tout le quartier, alors que c'est tout le quartier qui possède ces enfants. C'est une question de politique. On est dans un beau pays qui va bien. Notre structure scolaire est extraordinaire. D'ailleurs, on a même un ministre qui a suggéré d'obliger les enfants à prier quotidiennement. Ça éliminerait sans doute le problème. C'est vrai que ça éliminerait le problème. D'ici 2 ans, il n'y a plus un qui se suiciderait. Il serait tout suicidé avant. Quelle est la différence entre un enfant teflon et un psychopathe? Seul un être humain nouveau ou un enfant teflon pourrait savoir si l'enfant teflon joue au psychopathe parce que ça pogne ou s'il est psychopathe. C'est comme quelle est la différence entre un hyperactif et un hyperexpressif? Psychologiquement, on ne connaît pas le terme hyperexpressif. C'est un terme que j'amène dans mes volumes. Il y a l'hyperactif qu'on doit calmer biologiquement, médicalement. Il y a l'hyperexpressif qui, n'ayant pas un cadre dans lequel il peut s'exprimer, ben fou comme un balai. Et ceux-là avec, on leur donne les mêmes médicaments parce qu'on considère que c'est des hyperactifs. Il faut être assez vite pour savoir. À quoi te sert Thomas Jefferson? À quelle partie ou quelle partie de Thomas Jefferson? Oh ben, c'est quand même une question intéressante, c'est celui-là. Un enfant souffrant d'une maladie incurable, est-ce vrai que c'est sa dernière vie? On va tout leur donner le sida. On va régler leur problème. Ça va être leur dernière vie. Un enfant qui souffre d'une maladie incurable est, hélas, un supporteur de karma collectif. Ce n'est pas sa dernière vie. Ça n'a foutrement rien à voir. L'être humain va devenir immortel lorsqu'il aura une conscience suffisamment grandiose suffisamment intelligencé, suffisamment espritisé pour bannir totalement l'anti-homme qui se cache dans l'âme et qui est l'ego, de façon à ce que l'ego cesse de têter l'énergie vitale du corps, ce qui engendre une maladie de dégénérescence que l'on appelle le vieillissement. Mais ce n'est pas parce qu'on est malade d'une façon incurable que c'est notre dernière vie. Non, ça n'a rien à voir. L'enfant va dans le monde de la mort, il est digéré par le monde de la mort et il se réincarnera en mémoire plus tard. Comment agir avec un enfant de 10 ou 11 ans qui décide de rentrer tard le soir sans dire où il va? C'est une énorme question. Parce que la réponse, c'est ça le regarde, c'est sa vie. Problématique, c'est est-il adapté pour pouvoir se défendre dans une société aussi paranoïaque et aussi violente que la nôtre? Une chose certaine, c'est qu'un enfant qui rentre tard le soir, si on peut dialoguer avec, discuter avec, intelligence à intelligence, de cœur pur et non pas de cœur préjugé, il y a des grandes chances que l'enfant rentre tout de bonne heure. Pourquoi? Ben pour jaser avec vous autres, cette affaire. Il n'y a pas de raison de rentrer une heure particulière. Il ne s'endort même pas. S'il est attiré par l'adulte à la maison, ou l'ordinateur dans sa chambre, ou n'importe quoi dans le genre, faites-vous-en pas qu'il va rentrer. Un enfant de 10 ans, diagnostiqué maniaco-dépressif, peut-il être finalement tout simplement un enfant Teflon? En passant, la majorité des enfants qui sont diagnostiqués en psychiatrie et qui sont nés autour de 72, allez, après, la majorité n'ont aucun problème psychologique ou psychiatrique. Ce sont des mésadaptés, ça c'est évident, le terme est très bon. Je suis moi-même mésadapté, mais adaptable. Je m'adapte, moi-même on ne m'adapte pas. Par contre, la majorité des enfants qui se feront psychiatriser, qui se feront soigner, la majorité, pas tous, on leur mettra des termes maniaco-dépressifs. On leur mettra des termes d'hyperactifs. On leur remettra des termes sur le dos pour la simple raison que ça semble être des symptômes comme. Moi, je suis un enfant nouveau, disons. Je me plais à marcher tout seul, dehors. Je me plais à être tout seul. L'enfant assis à côté, il est tout seul. Tous les deux, on semble pareil. Il y en a un qui s'ennuie à mourir. Il y en a un qui vit à vivre. Alors, à un moment donné, on va me présenter des amis. Les parents vont dire, ben oui, mais c'est vrai de faire des amis. Moi, je vais répondre, j'ai pas le goût de me faire des amis. Et là, on va soupçonner des problèmes. Et pendant mes 7 premières années de compréhension, j'arrive vers l'âge de 12 ans, je n'ai toujours pas d'amis. Je suis dans ma chambre, je lis, je fais rien, j'écris, je vais à l'école, de temps en temps, je joue comme ça, mais je n'ai pas d'amis. Je vais, même à l'école, je parle à peu près à personne. Mais on va réellement soupçonner un problème chez moi. Eh bien oui, j'ai un problème. Je n'ai pas besoin de personne pour être heureux. Je ne souffre donc pas. Et on va s'organiser pour m'instruire. C'est pas normal de ne pas avoir d'amis à ton âge. C'est pas normal de vouloir être tout seul. Et dépendant de ma réaction, je peux finalement être violent avec les autres. Je peux être violent avec les parents. Je peux lentement devenir... je peux me retourner contre le monde extérieur, puis les envoyer promener. Puis là, on va réellement dire, ben effectivement, il y a un problème. C'est évident, regarde. Oui, j'ai un problème. Vous autres. Il y a énormément d'enfants qu'on traite présentement avec des médicaments qui ne devraient pas être traités avec des médicaments. Et il y en a un grand nombre qu'on ralentit de façon à ce qu'ils s'intègrent mieux au cadre scolaire. C'est dommage. Très. Est-ce que les enfants Teflon demandent beaucoup d'exclusivité et d'attention? Énormément, simplement parce qu'ils manipulent l'extérieur et lorsqu'ils ont quelqu'un avec eux autres, ils veulent le garder. C'est un bonbon, un bijou. Sauf qu'on peut facilement leur montrer... Hey, c'est évident qu'ils ne vous partageront pas avec un enfant qui est ancien ou un enfant qui était petit. Non. Par contre, ça va être relativement facile pour eux autres d'apprendre aussi à s'adapter avec d'autres. Mais de par sa nature, il est individualiste, c'est déjà plus compliqué que de partager quelqu'un ou de partager quelque chose. Mais nécessairement, il doit apprendre, on lui dit, chacun son tour, et on ne lui explique rien d'autre. On doit être intransigeant avec un enfant Teflon. L'enfant Teflon, c'est comme l'enfant ancien, il a besoin d'un cadre qui va le sécuriser. Qu'est-ce qui sécurise l'enfant ancien? C'est pardon, excuse-moi. C'est aussi les punitions quand on le chicane, ça sécurise. Si vous avez eu tort, là vous devez aller vous excuser. Vous lui dites que vous avez agi trop vite, que vous êtes un peu con, c'est barre, mais quand même pas trop, vous en êtes rendu compte. Vous lui dites, en échange de ta punition inutile, Y a-t-il quelque chose que je peux faire? Un enfant teflon pas trop à taper dedans va vous dire, « Bah non, on recommence plus. » Remarquez, quand vous étiez jeune, puis qu'on vous punissait, puis qu'on avait raison de vous punir, vous l'acceptiez. Mais quand vous étiez convaincu qu'on avait tort, mais l'enfant teflon, c'est pire. Comment, dans la société d'aujourd'hui, où nous rencontrons toutes sortes de malades, on peut protéger l'enfant sans lui inculquer la peur d'une façon ou d'une autre? Je dis, montez-le contre la société. Il va le faire lui-même. Si vous le montez avec lui, il y aura au moins un complice et vous pourrez l'aider, le guider, le canaliser, le réconforter puis finalement l'ajuster. Alors que si on travaille contre, la société, elle est dangereuse. Il y a effectivement des connards et des connardes. Il ne faut pas avoir peur. Il faut que tu le saches. La neige, c'est dangereux. L'hiver, tu peux mourir gelé. Pas besoin d'avoir peur de la neige. Les humains, c'est pareil. On discute avec, on lui montre des choses. Et bien souvent, on va avec du protectorat. On essaie de lui cacher. Qu'est-ce qui se passe quand il nous semble qu'on perd la carte? On perd la carte. Qu'on est incontrôlable, inadapté ou hystérique. Bien, il se passe ça. La question est mal posée. La personne, elle pourrait, à un moment donné, peut-être qu'elle reformule sa question pour qu'on s'en ligne un peu mieux. Normalement, il se passe simplement qu'il y a un réceptacle dans l'âme qui constitue l'ego. Il y a une petite partie, une partie qui est de la mémoire d'enfant nouveau-né, de la mémoire de neuf, l'homme, la femme. Et il y a une grosse partie qui est l'anti-homme, l'anti-femme. La petite partie, elle vibre peut-être d'intelligence, elle vibre de certaines choses. Et tout le monde autour d'elle tape dedans pour qu'elle l'oublie. Et il vient un moment donné que ça peut être extrêmement pénible. On devient allergique. C'est une allergie. Alors, on peut devenir un peu comme la personne ici décrit l'état. Mais évidemment, on va parler de problèmes psychologiques ou psychiatriques. Sachez bien une chose, tous les individus qui ont une enfance normale, c'est-à-dire une enfance où on ne sont pas trop dépressifs, ne sont pas trop maganés, n'importe quand la journée où vous allez, en tant qu'adulte, devenir dépressif, c'est qu'il y a une partie du monde que vous rejetez. La journée que vous rejetterez tout le monde, vous vous suiciderez. Alors, on peut vous donner des médicaments pour vous empêcher de trop réfléchir, pour vous empêcher d'être manipulé, pour vous empêcher de vous maganer. Mais c'est nécessairement parce qu'à un moment donné, il y a une bribe d'intelligence qui est passée chez vous. Elle a laissé une trace qui vous a fait voir le monde d'un œil différent. Puis avec tout ce qui se passait déjà, ça l'a créé une maladie psychiatrique ou psychologique. Alors que tout ce qu'on aurait à faire, c'est de discuter d'intelligence à intelligence dans la majorité des cas. C'est bien évident que lorsque l'ego est tellement massacré, ou lorsque le corps a été abîmé par de l'alcool, ou par des médicaments, ou par de la drogue, là, c'est un autre problème. Un autre, tout autre problème. J'ai écouté l'autre jour une vidéo de l'ONF sur le Québec des années 50 et 60, soit avant la Révolution tranquille. J'ai éprouvé une profonde nostalgie. Serait-ce justement un homme ancien? PS, j'ai 35 ans et je ne me souviens pas tellement de cette époque. Non, c'est simplement que vous avez été constitué dans votre âme. J'ai déjà parlé un peu de la constitution de l'âme. L'âme est constituée de toutes les mémoires expérientielles que l'humain accumule par processus réincarnationnel tout au long de sa vie, ainsi que par son expérience vécue. Étant donné que l'individu a vécu ses années, il les a en mémoire, et ces petites parties mémorielles de l'âme sont lentement en train de mourir parce qu'ils ne sont pas énergisés. Et lorsqu'il a revu la vidéo, ces petites parties ont été nourries un peu, se sont senties revivre un peu, et cela a créé une plénitude dans l'âme qu'on appelle la nostalgie. C'est pas parce que la personne est ancienne. Bon, si je peux revoir le quartier où je suis né, dans la même maison d'ailleurs que le gros Antonio, on restait pas dans la même maison, c'est deux étages différents, mais quand même, on restait en haut, t'es chanceux. Et puis, si je repasse par là, bien, maintenant, on a tout démoli, évidemment, mais à l'époque, je suis déjà repassé là, puis c'était nostalgisant. Une petite partie se renourrissait de la place. C'est simplement ça, on n'est pas ancien ou femme ancienne pour ça. Quand est-ce qu'on sait qu'on est ancien? C'est simple. C'est quand on n'est pas capable d'accepter les choses neuves. C'est quand on dit encore, « Ça a toujours été de même, je ne sais pas pourquoi ça changerait. » Ah, là, une est ancien, c'est pas pour rire, oui. J'ai un enfant teflon comme tant d'autres. Mais c'est pas grave, les autres. J'ai un enfant teflon, tout court. Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire dans la famille qu'ils ont supposément choisi? Ils ne l'ont pas choisi. Imaginez-vous bien qu'ils seraient nés ailleurs. Celui qui se réincarne ne choisit pas son corps. C'est le corps qui choisit ce qui se réincarne dedans. Vous êtes des parents qui possédez en génétique la capacité de recevoir de l'intelligence. Vous pouvez muter, cellulariser des choses et l'exprimer. Et vous pouvez aussi la léguer génétiquement. Alors, à travers notre génétique, on lègue et il y a un mélange génétique qui peut créer un enfant ancien, à potentiel développable au niveau nouveau, au niveau de l'intelligence. Un deuxième enfant vient, il est ancien, mais transitif, un peu bouillant. Un autre vient, il est ancien. Un autre vient, les caractères génétiques chez vous deviennent dominants chez lui. Lui, il est nouveau. Vu que le corps physique qui est maintenant fétalement constitué dans la matrice de la mère est un corps pouvant supporter de l'intelligence, ce qui se réincarne dedans, tiré par ce joli corps, est intelligent. Lorsqu'il vient au monde, c'est un enfant teflon, un enfant nouveau. Il n'a pas choisi sa famille. Il vient attiré par le corps physique, il a le corps qu'il faut pour exprimer ce qu'il est. Alors il l'habite. Il ne l'a pas choisi. Qu'est-ce qu'il vient faire dans votre famille? Rien. Il vient dans son monde. Il vient dans le monde. Il ne vient pas dans votre famille. Mais la tradition prescrit encore que l'enfant doit naître d'une mère dans une famille. Alors il vient au monde dans une famille. Remarquez, il y a des pays où les enfants viennent au monde dans la jungle. La parole libère l'énergie dans le mental et la propulse à l'extérieur par la glande thyroïde qui a pour effet de décompresser l'ego. Ça se rapproche. Qu'advient-il d'une personne qui a subi l'ablation de la glande? Une chance que ça se rapprochait. Comment peut-elle décompresser? La parole s'exprime par le centre laryngé, qui est un centre vital, énergétique, qui a une correspondance avec la glande thyroïde. Une correspondance. C'est le centre laryngé qui décode les dépolarisations neuroniques et les transmissions vitales pour pouvoir contrôler en même temps le système pulmonaire, la langue, les joues, les cordes vocales, l'arrière-gorge et les mandibules. Ce centre, qui est un interpréteur actionnel qui permet à la pensée, sans qu'elle ait à contrôler ou à y penser, de permettre aux poumons de respirer, de donner les intonations voulues, de permettre à la mâchoire inférieure de se promener, aux joues à la langue, aux cordes vocales de travailler. Alors, on n'a pas besoin de la glande thyroïde pour ça. La glande thyroïde, elle sert à beaucoup de choses. Au niveau de décompresser l'ego, la parole est l'aide. La parole ajuste la pensée. La parole permet le contact avec un ajusteur de pensée. La parole rend intelligent. C'est pourquoi dans le passé, on disait « taisez-vous ». Parce que si vous parlez, vous découvrez. Vous êtes votre maître. Et en étant votre maître, vous risquez de dire des choses qui ne font pas plaisir au maître qui est là, qui doit vous remplir. Silence, taisez-vous. La thyroïde, elle permet une décompression biologique, c'est-à-dire qu'elle a un certain contrôle restrictif au niveau de la stimulation des sécrétions endocriniennes. Parce que le corps physique ne sécrète pas trop d'endocrines, disons, au niveau des glandes endocrines d'hormones, l'ego ne peut pas lire l'expression dans le corps et l'ego ne sait pas qu'il exprime, donc il se calme. On appelle cela un peu décompresser l'ego. L'individu n'a qu'à parler, elle va décompresser son ego quand même, elle peut surtout faire du kiaï, crier, et elle va décompresser encore plus. Mais ne vous fiez pas tout à fait à la structure de votre corps physique pour savoir, il y a toujours des moyens de passer autrement, quand même. C'est au niveau vital, de toute façon, ça se passe. Pourquoi Joseph plus Marie ont été choisis pour être les parents de Jésus? Ils n'ont pas été choisis. On aurait choisi d'autres personnes. Joseph a douté toute sa vie de la filialité de Jésus avec l'État christique. Marie n'a pas compris non plus. C'est Marie-Madeleine, une prostituée, qui lui a expliqué. Elle a couru après. Elle a tout fait pour l'en empêcher. À 12 ans, on courait encore après. Il fallait qu'il leur explique. Non. Ils n'ont pas été choisis. Mais leur génétique permettait d'engendrer un corps physique intéressant. Il y avait Jean le Baptiste, Jean, qui avait une génétique intéressante, l'intelligence supramentale, l'Esprit Saint, le Christ, l'énergie christique, l'a touché. Il y avait trop d'ego dans Jean. Alors, l'ego de Jean a refusé le contact christique. Il a refusé de laisser sa place à l'Esprit. Alors, ça s'est ressaillé dans le Nazaréen, dans Jésus. Jéhoshua ben Joseph. Et l'ego étant plus faible, il a accepté. Jean est donc devenu le porte-parole précédent à la venue du Christ. Et ayant trop d'ego et une trop grande gueule, on lui a coupé la tête lorsque son travail était fini. Si pour des raisons génétiques, d'autres membres de cette tribu n'ont pas été choisis, vous savez que dans une tribu, il y a des caves. Et à un moment donné, naît un gars ou une fille, mais habituellement un gars à l'époque, parce que les filles, ils naissaient géniales, mais on les tapait assez qu'ils restaient tout à fait laveuses de vaisselle. Alors à l'époque, un jeune devenait le meilleur des chasseurs. Il avait l'intuition, il avait le contact. Il devenait peut-être un sorcier, un homme médecin, un grand chef. Et comment ça se fait qu'une tribu de tong-tong-tong-tong fabrique un grand chef qui arrive à contrôler les tong-tong-tong et à planter tout le monde autour? C'est ça la génétique. La tribu, elle accumule des facteurs récessifs et dans l'évolution. Les plus faibles, les plus tapettes meurent avant de procréer. Ça élimine déjà une partie de la race faible. Les plus puissants survivent. Et ils transmettent génétiquement à leurs enfants. Puis à un moment donné, il y en a un qui ramasse plus de caractères récessifs, de nouveautés. Et lui, il domine les autres. Alors que la tribu contenait les mêmes attributs génétiques. Et non. La tribu ne contenait pas les mêmes attributs génétiques, c'est faux. Ils n'étaient pas des clones. Joseph n'était pas identique à tous les bonhommes de sa tribu, de la secte nazaréenne. Et Marie n'était pas identique. Il y avait des facteurs de grande différence. Mais il y avait un grand potentiel. Effectivement, les génétiques se rapprochaient. C'est intéressant. Pour ceux qui possèdent la lance et qui a percé la côte de Jésus sur la croix, il est dit que la victoire leur est acquise. Tiens, la personne, elle a fouillé dans un bouquin. Si les États-Unis d'Amérique la possèdent, comment se fait-il qu'ils perdent toujours leurs petites guerres telles que Corée, Vietnam? On n'a aucune idée de ce que c'est que de gagner une guerre. Les États-Unis d'Amérique ne sont pas un peuple de guerriers, ce sont un peuple de bâtisseurs. Alors s'ils se battent, leur guerre n'est pas dans les combats armés. Ils ne peuvent pas les gagner. À un moment donné, on a attaqué intégralement leur potentiel de liberté. Alors, ils ont planté l'Allemagne et le Japon à eux autres, tout seuls. Les États-Unis d'Amérique ont une grande guerre qui s'en vient. Et ils vont la gagner. Comment les Esséniens avaient-ils le pouvoir de redonner la vie à un corps tel que l'histoire de Jésus qui aurait vécu quelque part après la crucifixion et que la tradition dit que seul le Christ avait ce pouvoir? La tradition, c'est traditionnel. Quel ce corps est enterré ainsi que celui de Marie dans la même ville ou lieu? Quel est ce lieu? En passant, le corps du Nazaréen qui est enterré est un corps ressuscité, effectivement, mais le Christ ne l'habitait pas. Alors, lorsque les individus ont côtoyé ce corps, c'était un corps de mémoire. C'était Jésus qu'il côtoyait, pas le Nazaréen, pas Jésus-Christ, pas le Christ. Et ils sont effectivement enterrés dans une ville un peu plus loin de ce qu'on connaît. Comment les Esséniens avaient le pouvoir de ramener la vie? Les Esséniens étaient des êtres humains qui travaillaient énormément au niveau du magnétisme humain, de l'énergie vitale, de l'imposition des mains. Ils avaient fondé une secte, les thérapeutes, qui vivaient en Grèce. Ils avaient fondé une secte, les Nazaréens, qui vivaient en Judée. Ils avaient fondé une secte, les gentils, qui vivaient proche de là, et les Nazarites. Et les Esséniens étaient d'eux-mêmes d'obédience égyptienne. Ils avaient simplement une génétique extrêmement intéressante, raffinée. Ils récupéraient les enfants de l'époque qui avaient cette génétique à communiquer de l'énergie vitale. L'énergie vitale est la vie. Pas besoin d'être évolué. Il faut être simplement plein de vie. Et les autres avaient développé le contrôle, la récupération d'enfants qui avaient une génétique à donner ce genre de choses. Et la secte nazaréenne était la seule secte qui permettait aux femmes d'y avoir accès dans le but d'engendrer. Ils avaient simplement un petit contrôle que d'autres peuples ont déjà eu aussi, mais à un moment donné, étant donné que ça devient illégal de pratiquer ce genre de choses, le gouvernement ne ramasse pas peut-être la taxe. Comment peut-on faire la différence entre la détermination de l'ego et la volonté de l'esprit? C'est simple. Quand vous avez de la volonté de faire une chose ou une détermination de l'ego de faire la même chose, essayez juste de vous dire « Non, je ne le fais pas ». Si immédiatement vous commencez à sécréter, c'est de l'ego. Si ça ne vous dérange pas, c'est de l'esprit. La sécrétion endocrinienne est l'expression de l'émotion de l'âme par le corps physique. Toute expression d'émotion détruit et tue le corps. Il n'y a pas de bonne émotion, sauf pour le monde de la mort, ça le nourrit. Lorsque je dis « je fais ceci », j'envoie l'intelligence. Est-ce une détermination de l'ego ou la volonté de l'esprit? Autrement dit, vous allez être manipulé de toute façon, vous n'avez pas le choix. Mais qu'est-ce qui manipule l'âme, le monde de la mort, l'ego? Ben non, le phénomène supramental, l'esprit. Eh bien, on a juste à vérifier si on est capable de s'en empêcher. Si on s'en empêche, puis qu'on voit un bouillonnement mental, mais il n'y a pas de sécrétion endocrinienne, qu'on voit l'intelligence de le faire, puis qu'on trouve ça con de ne pas le faire, mais que ça ne sécrète pas endocrinalement, on ne transpire pas, on n'a pas le goût de tout casser, on ne commence pas à se promener, c'est que c'est l'intelligence qui simplement vous manipule à faire la chose. Si ça se met à sécréter, c'est le secret de l'observation, c'est l'ego. Si ça reste intelligent, faites-le, mais sachez que l'ego est d'accord et pousse lui aussi. Est-ce l'âme ou l'esprit qui dirige l'être vers le suicide? Ça peut être les deux. Le suicide est normalement, chez l'homme ancien, un manque total de communication avec le monde de la mort. Lorsque l'individu dans une société n'arrive pas à être intégré, lorsqu'il se sent rejeté, lorsqu'il n'est pas utile pour nourrir les autres, lorsque l'individu n'est pas capable de créer de la nourriture dans le monde social, lorsque l'individu crie, on ne l'écoute pas, lorsque l'individu dit qu'il va se suicider, on ne l'écoute pas, lorsque l'individu est plate à mort, on ne l'invite même plus, lorsque l'individu coule tout, lorsque l'individu sur le bien-être social, l'échec n'arrive même pas, lorsque l'individu, finalement, n'a même pas de raison en tant qu'animal humain de vivre, parce qu'il ne nourrit même pas le monde de la mort à ce point qu'il ne stimule même pas les autres, le monde de la mort peut le manipuler pour que l'âme et toutes les mémoires réincarnationnelles dedans réintègrent le monde de la mort pour qu'on le réintègre dans un autre corps physique. Alors l'individu va voir son canal réincarnationnel étranglé. Alors lentement, il va perdre la stimulation qu'a besoin de l'ego pour vivre. Il va perdre le goût de vivre. Il va perdre aussi les désirs de faire un avenir, de voler quelqu'un, d'aider quelqu'un. Il va perdre toute forme de désir. On l'étrangle, il n'est plus stimulé. Alors il s'écrase, puis il n'y a plus de stimulation. Et lentement, on va le manipuler. On va permettre la réincarnation de mémoire de suicidaire. Et lentement, il peut se suicider et renvoyer l'âme au monde de la mort, qui en a besoin et la peur de perdre. Parce que l'humain qui est proche du suicide et qui vit, évolue. Et le monde de la mort, le ciel, ne veut pas que l'humain évolue. Parce que lorsque l'humain évolue, l'humain peut arriver à se libérer de la mort. Alors, le monde de la mort vient de perdre de quoi? Et il y a aussi l'esprit qui, agressant continuellement le corps de l'homme, de la femme ou de l'enfant, va en égoïser. Alors, il y a un ajusteur de pensée qui, à un moment donné, est débloqué. L'intelligence s'exprime par cela et vient énergiser le plan mental. L'individu commence à voir les choses telles qu'elles sont. Il commence à se dire, ben oui, mais là, j'ai fait une grosse colère, puis c'est niaiseux. C'est le mental qui observe. Et ça insulte l'ego. Lentement, l'énergie supramentale, au travers de l'ajusteur de pensée, va commencer, lui aussi, à étrangler le canal réincarnationnel. Pour que l'ego ne soit plus nourri, le mental, l'ajusteur de pensée, va commencer à instruire l'ego et à l'ajuster. Mais il se peut, dans certains temps, que l'ajusteur de pensée que l'être humain a ne soit pas expérimenté, ne soit pas personnalisé. C'est un problème dans les temps actuels. Alors, il va arriver que l'ajusteur est inajusté. Il étrangle le canal réincarnationnel, mais il n'informe pas convenablement l'ego. L'anti-homme, la grande partie de l'ego, voyant l'ouverture du point de vue de l'intelligence et le manque de nutriments du point de vue de son canal réincarnationnel, en plus que maintenant le mental commence à régir la vie, l'ego peut de moins en moins sécréter dans le corps physique, s'exprimer, il ne peut plus crier comme avant, se mettre en colère, taper des murs, puisqu'il y a un mental qui commence à régir. L'anti-homme en dedans peut tellement avoir peur de perdre en énergie ce qu'il est, de devenir de l'énergie vitale et créer un double éthérique, il ne le sait pas, mais quand même, il a peur de s'oublier, qu'il n'est plus nourri, il a peur de mourir. Alors, pour ne pas mourir, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrange pour détruire le corps physique. Ainsi, il retourne dans le monde de la mort. C'est un suicide causé, disons, par l'ego, mais à cause de l'intelligence. L'intelligence elle-même ne peut engendrer le suicide que chez une personne qui devrait être euthanasiée. Elle peut lui exprimer et lui faire voir clairement que c'est ridicule de continuer à vivre comme que t'es. Il faut faire attention. Comme que t'es, ça veut dire dans un lit, paralysé, pas capable de bouger, totalement branché, ça comme que t'es. Pas comme que t'es dans le sens que t'as gagné juste 5000 piastres à la loterie, t'aurais voulu gagner 1 million, à manger comme que t'es, ça vaut pas la peine de vivre. Non, ça c'est l'ego qui fait ça. En tant que médiocre et jaloux et plein de peur, que puis-je faire pour changer? Premièrement, l'être humain, l'homme, la femme ou l'enfant n'est pas médiocre, il n'est pas jaloux, il n'a pas peur. Il ne s'ennuie pas, il n'est pas angoissé. À l'intérieur de l'homme habite un virus planétaire qu'on appelle l'âme. Lui a besoin d'être nourri par de l'expérience, par des habitudes, des traditions. Lui s'ennuie à mourir. Il perd en énergie. C'est la négoïsation, c'est génial, mais il ne le veut pas. lui a peur. Lui est jaloux parce qu'il se nourrit d'une personne. La personne, peut-être qu'elle sort avec un autre, qu'elle nourrit quelqu'un d'autre par sa présence. Alors, lui, il veut garder la nourriture. Il veut son beurre de pinot. Alors, il est jaloux. C'est pas l'homme. La personne qui pose la question, elle sait donc très bien que ce n'est pas correct. Preuve qu'il y a de l'intelligence chez elle. Et ce n'est pas l'intelligence qui vit ça. Elle pose la question parce que l'individu est encore identifié. Elle se dit, je fais des choses connes, donc je suis conne. Si tu vois que c'est con, c'est que t'es pas con. Alors, si je suis intelligent, pourquoi je le fais? Parce que t'es manipulé. Hey, Mario vous a parlé de séminaire sur manipulation? Un message qui te reste pris. Maxime, 18 mois, le problème. Depuis plus d'un an, il se réveille presque régulièrement après 3 à 4 heures de sommeil. Il pleure sans arrêt, se raidit, se paume. Il ne veut pas qu'on le touche, je lui parle, et tout ce qu'il répond, c'est non. Cela dure en moyenne 5 minutes. Le docteur m'a dit que c'est des peurs nocturnes, que c'est une difficulté reliée au cerveau, et qu'il n'y a rien à faire. Est-ce un symptôme de l'enfant nouveau? Si oui, y a-t-il quelque chose à faire? Premièrement, il y a toujours quelque chose à faire. Par contre, le docteur voulait dire que lui ne pouvait rien faire. Ce n'est pas pareil. Mais il y a toujours cet orgueil collectif qui dit, si je ne peux pas, personne ne peut. Il n'y a rien à faire. Et qu'est-ce que c'est que des peurs nocturnes? Une peur nocturne, bon, il faudrait premièrement savoir si c'est un enfant nouveau ou un enfant ancien. Et la meilleure chose, nécessairement, dans mon cas, moi, c'est quand je rencontre des individus, je le sais, hein? C'est bien compliqué. Maintenant, s'il répond non tout le temps, il y a au minimum des symptômes. Une peur nocturne chez l'enfant ancien, ce sont des cauchemars. C'est l'agression par des mémoires réincarnationnelles qui veulent posséder le corps de l'enfant et qui lui font vivre des expériences qui vont être suffisamment répétées dans la psychologie de l'enfant qu'à un moment donné, elles vont faire partie intégrale de l'enfant. C'est une possession. L'enfant qui est là-dedans, lui, se fait posséder, donc il refuse, il ne comprend pas, il ne connaît pas, il n'a pas la structure psychologique pour résister, il n'a pas le corps physique non plus, pour recevoir souvent ces personnalités mémorielles qui veulent se réincarner. Elles nuisent au corps. Chez l'enfant nouveau, c'est l'agression par des forces astrales d'involution qui veulent à tout prix détruire le corps physique de façon à ce que l'intelligence ne s'y installe pas. Il ne faut pas penser que la vie du Nazaréen était bénite ou drôle. On n'en parle pas dans la Bible. Pourquoi? Parce que c'était juste des crises. Se faire tailler les cheveux avec des bigoudis, puis mettre une petite... puis suivre tout le monde régulièrement. C'est vraiment pas le cas du Nazaréen. On le décrit comme étant un enfant soumis. Alors que... on l'a crucifié parce qu'il n'était pas assez soumis. C'était l'un le plus insoumis du lot. Hypocrite. Jean-Baptiste l'était passé, on l'a coupé la tête. Lui, il était assis. Le Nazaréen a eu des maudits problèmes quand il était jeune. Les parents ne peuvent rien faire avec. Ça allait bien mal. Alors, qu'est-ce qui arrive? Une peur nocturne, c'est donc l'investissement du point de vue psychologique de manipulation extérieure. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire des choses. C'est évident qu'on peut changer le décor, le décorum de la chambre de l'enfant, ce qui fait que l'onde de forme risque d'attirer un peu moins certaines choses. On peut changer l'enfant de pièce. On peut changer l'enfant de bord. On peut aussi parler à l'enfant. On va dire, il comprend rien, ça change rien. Parlons-lui avec une voix mentale. L'énergie va quand même lui faire vibrer sa structure mentale chez lui et va accélérer un peu le processus de mutations neurologiques. Et l'individu sait ce que c'est. Il y a aussi un peu l'autorité mentale dans l'astral, certaines formes de colère mentale qui peuvent aider à placer les choses dans la chambre. Mais encore une fois, tant que je ne vois pas l'individu, c'est plus compliqué. Beaucoup de phrases négatives dans cette conférence. Aucune phrase négative. Beaucoup de phrases réalistes. Aucune phrase négative. Imaginez-vous que c'est positif. Si on peut voir le problème, c'est positif. Au moins, on voit maintenant le problème. On cesse d'espérer. On peut maintenant travailler pour une solution. L'enfant Teflon ne voit pas, n'entend pas les adultes, ne sont pas. Mais au juste, que faut-il faire? Il est manipulateur, OK, mais je n'ai nullement envie d'être manipulé. Il ne faut pas être manipulé par son enfant. Mais vous serez toujours manipulé de toute façon. Par vos idées, vos concepts, votre éducation, par la vie. Mais quand même, au niveau de l'enfant, on ne veut pas que l'enfant détermine qu'on va se mettre en colère, qu'on va s'ennuyer, qu'on va avoir peur, qu'on va sécréter au coton pour lui rentrer dedans, mais qu'on va taper dans le mur à la place ou au-dessus d'autres personnes. Ça, il faut pas. Ça, je comprends. Il est des pays actuellement sur les où les règles et les lois sont question de survie. Et là, il n'y a pas d'enfant téflon. Le problème, c'est que notre société d'abondance permet la venue de l'enfant téflon. C'est absolument exact. Oh, que c'est bien écrit. Mais ces pays où l'enfant téflon ne vient pas au monde sont des pays barbares. L'intelligence n'est pas dans ces pays. Ces pays sont traditionnalistes. C'est dans ces pays, d'ailleurs, qu'il y a des gens qui se suicident pour la cause. Ce sont des pays vieux, vieillots. Des pays où, si moi j'y serais, il y aurait une maudite guerre civile. C'est pour ça, d'ailleurs, que je suis venu au monde au Québec. Les gens étaient plus faciles, plus intelligents. Ça, oh, c'est mieux. Mais diable, que sont ces valeurs? Que sont ces valeurs, si valeurs il y a? On doit probablement bien comprendre que la réincarnation ne choisit jamais ni l'emplacement, ni le temps, ni le lieu, ni le corps, ni les parents, ni quoi que ce soit. Donc, en partant, si l'enfant n'a pas demandé à venir au monde, les parents n'ont pas demandé à avoir lui. Alors, maintenant que c'est fait, entendons-nous. Notre société, elle permet trop tout. Pourquoi? Parce que vous l'avez bâti ainsi. Parce que vous étiez un peu plus intelligent. C'est comme de dire qu'à l'époque de l'esclavage, les Noirs, les Nègres avaient moins de problèmes. C'est vrai. Bien moins qu'aujourd'hui. J'ai jamais vu un Nègre à l'époque de l'esclavage demander quelle musique il va écouter. Il n'y avait aucun problème. On lui disait quand manger, on lui donnait quoi manger. On lui disait quand faire des petits, il manquait de main d'œuvre. On lui disait tout. Il ne peut pas aller plus loin que sa chaise. Quel problème? C'était le bonheur total, c'est vrai. Et les enfants nègres qui naissaient étaient pas téflons. Tout collait à ses autres. La poussière, tout. Ils ne se cassaient pas la tête. Aujourd'hui, ils ont des maudits problèmes. Ils sont assistés sociales. Crèvent de faim. Il y en a qui ont failli être premier ministre ou président des États-Unis, par exemple. Il y en a qui ont des empires sous les autres. Il y en a qui sont docteurs, avocats. Alors, il y en a d'autres qui sont encore dans la rue, qui ramassent des morceaux de toile dans la rue à New York pour les mettre dans leur cour, faire des trottoirs sur le gazon, qui découpent des morceaux de clôture d'école pour pouvoir paramétrer leur clôture à eux autres, qui ramassent des pancartes d'arrest-stop pour décorer leur salon. Il y en a. C'est vrai, il y en a à New York, il y en a ailleurs. Mais c'est pas de ceux-là qu'on parle. Quand ils étaient esclaves, ils étaient pareils. Sauf que ça paraissait pas. Ils ne pouvaient pas le faire. Aujourd'hui, qu'ils sont libres, comme l'homme blanc a déjà été l'esclave, ils font des conneries. Au moins, ils font quelque chose. L'enfant nouveau, on est dans une société qui paramètre moins. Et c'est pourquoi nous avons des navettes. C'est pourquoi nous avons des ordinateurs. C'est pourquoi nous avons des transplantations d'organes qui permettent de sauver des vies qui valent la peine d'être sauvées. C'est pourquoi nous avons des assurances automobiles, c'est pourquoi nous avons des assurances chômage, c'est pourquoi nous avons un paquet de choses qui vaut mauditement la peine d'avoir cassé nos chaînes. L'enfant Teflon qui rentre là-dedans, c'est un nouvel esclave, nous, qu'on ne savait pas qu'on avait des chaînes. On est comme des éléphants. Quand ils nous ont capturés tout petits, ils nous ont mis des grosses chaînes attachées après piquet. On ne peut pas s'en aller, la chaîne ne lâche pas. Aujourd'hui qu'on est bien dressé, comme les éléphants, on leur met une petite ficelle autour de la patte pour les planter un clou. L'éléphant pense encore qu'il y a une chaîne, le moindrement que c'est une résistance, il reste là. C'est comme ça qu'on élève les éléphants. Alors on sent encore une résistance, puis on pense qu'il y a encore une chaîne à casser.